bercé par Milia Belle, Franco, bébé manga. Après 20 ans, le Toubib squat l'équipe au Babana. Flicka jusqu'au tripal blanc, bec bleu traîné. Mec, comment me taire? Comment accepter d'être humilié? Ayant ma place dans cette société, donc j'encule la dictature discrète qui sur moi est exercée. La France est une pute, et je suis son macro. Couche avec ses banlieues, les bleus arnaquent ses métros. Métro, black mauvais, trop de passe pour le black pro. Qui gêne le white frérot, par la couleur de ses propos. Une note de guitare pour une pensée profonde. Au pays de mes ancêtres, support de la souffrance du monde. Voyage gratuit, Congo, Zahir, Haïti, Mano. Kid me Safilo, dis aussi TMC. Dis aussi, dis même si la frustration de lui. Une évasion de la pensée par le biais d'un broli-broli. Mes esclaves, oui l'Occident tient les rênes. Les talons noirs à la tête blanche, c'est le tiercé pour chien et chienne. Un maigre frisson dans mon esprit. Un pauvre garçon qui pense au pays. Toutes les nuits, PHILO, y'en pense à son pays d'enfance où règne misère et souffrance. Mon corps est ici, mais mon esprit est là-bas. Ma culture reste en moi, me rattachant à l'Africa. Je suis impur sans nègre, dans une société aigre. Le MI m'appègre, mais je ne suis pas intègre. Être intègre, oh yeah, serait anormal. J'ai pas la couleur locale et pas les mêmes coutumes nationales. Nostalgie, oh yeah, j'ai la nostalgie quand mes tantes me préparent les bons plats du pays. Zoom sur Kinshasa, ma mère porte le pagne. Père mange du chikwang et mes frères jouent à qui ça gagne. Il n'y fait jamais froid et toujours chaud. Et quand ici j'ai froid, je pense à là-bas pour avoir chaud. Show business, business, l'argent faut que j'encaisse. Ici y'a le stress, mais au pays je décompresse. Je finirai pas ma vie dans cette zone. Je cherche un peu d'argent pour retourner dans ma faune. Yo, mes frères et sœurs sont restés au bled. Mes pensées sont vers eux, je leur apporterai un jour mon aide. Mon esprit plane sur la Côte d'Ivoire, inonde mon cœur de bon souvenir. Et mon âme ne fait que de se repentir. Ma junk se rappelle de ses mères pilant le riz. Leur mari allant au champ avec leur petit. Je suis un pauvre garçon qui pense à son pays natal. Qui se souvient de ses bonnes bouffes et de son bon bétail. Dans mon jardin d'Éden, nous formions un troupeau de bon augure. Et dans nos costumes coutumiers, avions fière allure. Ici, c'est la loi, la jungle, là-bas, la jungle sans loi. Et si les juges bafouent les lois, là-bas, règne des soldats. On nous oppresse tellement dans ce pays qui n'est pas nôtre qu'on devient guerrier du Troie. Oh Afrique de mon cœur, mon Afrique, en toi j'ai foi. Car toi seul as su donner les beaux mots d'ordre, paix, amour, fraternité. Que beaucoup après avoir quitté ton sol ont oublié. Quand je pense à toi, la nostalgie m'envahit. Et mes nuits deviennent des successions d'insomnie. Maman Africa, pour toi j'ai le Pékin. Je reste serein en espérant à mon retour pouvoir retâter ton sein.